Bonsoir. Bienvenue à cette conférence qui a pour titre « Qui sommes-nous? » Je me présente Annie Poisson, écrivain. Bonsoir, je suis François Martel, éducateur physique. Bonsoir, je suis Michel Lacerte, policier et homme d'affaires. Et c'est Daniel. Et oui. Daniel, Avant de commencer, j'ai quelque chose à dire. C'est important au niveau des conférences que je donne que les gens comprennent bien que l'autorité d'un orateur ne doit jamais supplanter votre propre capacité de décider, de comprendre, d'appliquer. Alors, c'est important de bien comprendre que ce n'est pas parce qu'une personne parle en public qu'il a nécessairement raison. C'est à vous de décider, de vibrer, de ne pas vibrer. Et c'est important de rester centré dans son intelligence. Oui. Donc, le sujet de ce soir, c'est « Qui sommes-nous? » Puis, pour commencer, j'aimerais savoir, y a-t-il une différence entre la question « Qui sommes-nous? » et « Qui suis-je? » Est-ce que c'est l'objet de deux conférences? On peut effectivement faire deux conférences. Parce que le « Qui suis-je? » au niveau universel, c'est la même chose que le « Qui sommes-nous? » Et au niveau planétaire, au niveau du plan de vie, le « qui suis-je » est différent. Qu'est-ce que tu veux dire au niveau universel? Bon, le « qui suis-je », c'est une question qui se répond beaucoup plus facilement si tu restes confiné dans l'illusion de ce que c'est le monde. Si tu restes dans le mensonge cosmique, le « qui suis-je » peut être répondu. Un individu qui essaie d'échapper au mensonge cosmique, à l'illusion, aux farces, planétaire, aux farces réactionnelles, ne peut plus poser la question « qui suis-je? » parce que la réponse est que c'est rien. Tu n'es rien. Finalement, c'est juste la philosophie. Oui, le « qui suis-je? » reste un principe de philosophie qui est intéressant, qui est utilisable, étant donné qu'on est prisonnier, qu'on reste prisonnier de l'illusion, c'est-à-dire de la matière, de l'impression, de la mémoire, de ces choses-là. Et c'est important pour plusieurs égos d'avoir une réponse à la question « qui suis-je? » L'être intelligent, l'intelligence ne demande jamais qui suis-je, il vit, il accomplit les choses, il passe, et sa finalité est de toute façon de disparaître, de s'en sortir. Alors que celui qui ne vit pas centré dans son intelligence, c'est la personne qui est émotive, qui est psychologique, qui est spirituelle, qui est ésotérique, etc., même scientifique, ces personnes-là auront probablement quelque part dans leur vie besoin d'une réponse à la question justement « qui suis-je? » pour pouvoir être capable d'accepter dont la réponse au mot, la réponse à la question « qui suis-je? » sert surtout à faire en sorte de te fermer les yeux devant l'illusion. Mais c'est ça, c'est quoi la réponse? Bon, elle est illusoire la réponse à la question « qui suis-je? » mais c'est quoi en gros là, pour savoir d'où on part, pour nous diriger vers qui sommes-nous? Non, le « qui suis-je », comme je dis, on ne peut pas partir d'un phénomène totalement illusoire qui va sembler uniquement à mettre du baume sur le cœur des individus qui n'ont pas la capacité de supporter de l'ignorance. Le « qui suis-je », finalement, c'est que ça sert à supporter le fait que tu te prends au sérieux. Là, je suis quelqu'un, je suis important. Non, l'être qui est intelligent, l'être qui se conscientise, sera nécessairement confronté un jour à de l'ignorance. C'est-à-dire qu'il sera nécessairement confronté à se poser des questions dont il n'aura pas de réponse, auxquelles il n'aura pas de réponse. Mais ça, c'est un « qui suis-je » posé par de l'intelligence. Non, le « qui suis-je » que lui-même va se poser à ce moment donné-là, lorsqu'il arrive à des questions sans réponse, ce ne sera pas long qu'il y aura la question « qui suis-je? » Et la réponse au « qui suis-je » est une réponse qui va fermer les yeux de l'individu de façon à ce qu'il ne puisse plus voir qu'il reste de l'ignorance. Par exemple, qui suis-je? Je suis le fils de Dieu. Tout le monde pourrait dire ça. Je suis la fille ou le fils de Dieu. Bon, je t'ai créé par un père créateur. Bon. Là, finalement, là, ça te sécurise, puis... Tes yeux viennent de se fermer et c'est réglé. Mais lorsque tu te demandes qui a créé Dieu, il a toujours été là. Oui, mais quelqu'un qui se conscientise, c'est inévitable que la question suivante, qui a créé Dieu, puis qui a créé qui, finalement, ça n'arrêtera pas, il va toujours avoir l'ignorance. Surtout que la question de l'être qui se conscientise, même s'il est le fils de Dieu, va nécessairement être, je suis le fils de Dieu, parfait. Maintenant, à quoi ça sert d'être le fils de Dieu? Mais là, on peut regrouper, si on revient au titre, là, qui sommes-nous? Mais qui sommes-nous, ça englobe tout ça. Là. Ça veut dire qui sommes-nous... à partir de qui nous a créés, si c'est si c'est effectif. Ouais. Non, mais ça peut... Ah, oui, tout ça peut, dans l'illusion. Des probabilités. Ah, ça fonctionne. Et puis, les « qui sommes-nous », si on y va à partir de « qui sommes-nous individuellement », parce qu'on peut y aller que le... Ouais. Si, par exemple, je réincarne plusieurs différentes personnalités, je peux poser la question « qui sommes-nous, moi ?» Oui, est-ce mais que là, c'est la même chose que dire « qui suis-je » Oui, là, on se rapproche du « qui suis-je ». Le « qui suis-je » part de rien du tout. « Qui suis-je ? » Tu es un homme, tu es une femme, tu es un enfant, tu es un médecin, tu es un policier. Le « qui suis-je » part du rien et monte jusqu'à un summum spirituel où on te ferme les yeux complètement sur ta conscience. Le « qui sommes-nous » part dans la conscience spirituelle, donc on peut encore jouer dans l'illusion avec le « qui sommes-nous ». Par contre, il peut te mener à l'extérieur. « Qui sommes-nous l'humanité, l'humain ? » Est-ce que c'est ça pour toi, là, « qui sommes-nous » Non, le « qui sommes-nous » pour moi, c'est beaucoup plus imposant que ça. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Une fois qu'on a répondu à cette question... C'est la même chose si je m'identifie à moi-même, là. Qui suis-je? Et puis, je m'identifie aussi au groupe qui me ressemble, par exemple, les humains. Qui sommes-nous? C'est la même chose. Oui, mais là, tu restes dans le « qui suis-je ». C'est ça. Et comme je te dis, le « qui sommes-nous » peut partir dans la partie spirituelle, donc dans le « qui suis-je ». Et par contre, on peut, dans le « qui sommes-nous », aller très loin. Si on marche avec le « qui suis-je », on peut partir très, très, très bas, et on va arrêter là où commence le « qui sommes-nous ». Les deux, à un certain point, les deux peuvent... Est-ce que le « qui sommes-nous », ça veut dire qu'on est capable de supporter plus d'ignorance? Non, c'est simplement parce que tu ne... Bon, qui suis-je? Si tu fonctionnes réellement avec une conscience à travers le « qui suis-je », tu vas découvrir que tu n'es pas une unité, mais que tu es relié à une globalité. Donc, nécessairement, lorsque tu arrives à cette conclusion, cette constatation, que tout ce qui est toi, ton corps physique est créé des cellules de tes parents, qui sont créées des cellules de quatre autres personnes, créées des cellules de d'autres personnes, tu manges des aliments qui proviennent donc des cellules de plantes, d'animaux, etc., qui ne sont pas toi, tu prends de l'eau qui n'est pas toi, tu es totalement constitué d'un ensemble de mécaniques. Ta mémoire réincarnationnelle est un ensemble de mécaniques. Ta mémoire génétique est un ensemble de mécaniques. Ta mémoire événementielle, la mémoire de ta vie est un ensemble de mécaniques. Donc, quand tu arrives à la conclusion qu'effectivement, je ne peux pas, moi, me considérer comme une unité libre, totalement indépendante, autarcique du reste de la création, tu en conclus nécessairement que le « qui suis-je » est une farce. En réalité, c'est le « qui sommes-nous » parce que tu es relié. Bon. Mais dans le « qui sommes-nous » nécessairement, tu dois bannir, vu que tu en arrives à la conclusion que le « qui suis-je » devient une illusion réelle, si tu es réellement indépendant et autarcique, ça veut dire qu'on peut tuer tous ceux qui sont près de toi sans jamais que t'en souffres. Bon, alors, on tue tes enfants, on tue tes parents, on tue ton mari, on tue ta femme, il n'y a aucun problème. Mais si tu en souffres, c'est lorsque l'on frappe quelqu'un, on te frappe. Bon, lorsque l'on frappe d'autres humains, on te frappe. Puis c'est évident que chaque fois qu'un humain est détruit, il y a une partie de tout le monde qui est détruit. C'est sûr que, étant donné qu'on est 5 milliards, ça commence à être dilué. On se touche quand même. S'il y a un holocauste, ça va toucher plus que s'il y a un mort ou deux. Il y en a qui vont dire que c'est seulement au niveau psychologique, c'est-à-dire que si on était capable de se détacher psychologiquement, on n'en souffrirait pas. Oui, exactement. Si on était capable d'être autarcique et d'être individuel, on n'en souffrirait pas. Ce qui est intéressant de constater, c'est que l'humain n'est pas capable de s'en détacher. Non, mais est-ce qu'on est il peut dire, si j'étais capable de traverser les murs, je n'aurais pas besoin de porte. C'est vrai, je suis d'accord. Mais il ne peut pas traverser les murs. Mais est-ce qu'il est relié plus qu'à un niveau psychologique avec Il est relié totalement au niveau physique, la preuve. Tu rentres à l'hôpital, on va te demander, bon, est-ce qu'il y a dans ta famille des personnes qui ont souffert de crises de maladie cardiaque? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont souffert de diabète? Et bien, même physiquement, tu es bien plus relié que tu peux penser. Et en plus, on va dire, ah, mais tu as des airs de ressemblance avec un tel. Et à un certain âge, tu peux avoir des comportements qu'on retrouvera dans la famille, et sans compter les maladies. Physiquement, tu n'es pas un, et psychologiquement, tu ne l'es pas non plus. Même spirituellement, qui est spirituellement un? Qui est spirituellement dans sa seule religion, qui sont seuls Dieu pour lui tout seul? Tu fais partie du groupe des athées, ou du groupe des catholiques, ou du groupe des mormons, ou du groupe des Krishna. Où est-ce qu'on commence à être tout seul, ou à être... qu'on peut se centrer, c'est à partir de... même pas du mental, parce que c'est relié à l'âme, c'est à partir de l'intelligence. Non, ne recherche pas à être seul du point de vue de la création. Le « qui suis-je » est une illusion. Le « qui suis-je » Oui, mais attends. Oui, je suis d'accord, sauf que quand on parle de se centrer dans son intelligence, on parle quand même d'être autarcique à un certain niveau. C'est sûr qu'on sait qu'on a besoin de... Quelqu'un qui est centré va avoir besoin de manger, d'être en contact. Quand tu es centré dans ton intelligence, tu n'en as rien à foutre du qui suis-je. Là, on parlait du qui suis-je. OK. Oui, mais... Mais le qui sommes-nous? Hein? Mais c'est parce que quand tu te mets à réfléchir, là, tu réfléchis tout seul, tu sais, t'es tout seul, là. Ouais, t'es quand tout seul. Tu réfléchis à plusieurs, ben, c'est une discussion. Tu réfléchis tout seul. Nécessairement, ça peut arriver. Qui arrive à la même conclusion que toi ailleurs, là. Ben, peut-être, mais t'es tout seul quand même. T'es pas tout seul. Quand t'écoutes ton poste de radio tout seul, t'es-tu certain qu'il y a juste ton poste de radio qui reçoit cette émission-là? T'es tout seul. Tu es avec ta radio, tu seul, il n'y a qu'une radio là. Mm-hmm. Mais c'est pas important quand même qu'il y en a d'autres qui le reçoivent. Non, mais dans la réalité, il y en a plein d'autres qui le reçoivent. Mais ça ne change rien à quoi tu vis. Non, ça ne change rien dans ce que tu vis. Sauf qu'au niveau du concept spirituel ou du concept philosophique, le concept qui dit ma radio est unique et elle est la seule à recevoir ces affirmations-là fait partie de l'illusion. C'est faux. Ça ne change rien dans la vie de la radio, mais si tu veux parler du qui suis-je, toutes les informations que tu vas amener au niveau du qui suis-je font partie du mensonge cosmique, c'est faux. Oui, mais la question, ça peut être qui suis-je? Je suis quelqu'un qui écoute la radio, c'est tel canal. Là, on va me dire, non, vous êtes 2000 à faire ça. OK, mais je suis ça quand même. Oui. Tu vas dire, moi, je n'ai rien à foutre, mais 2000, pas de problème. La journée, il va en avoir 200, la station va cesser d'émettre. Tu n'auras plus rien. T'es totalement rallié. T'en as rien à foutre parce que t'es pas conscient de l'importance. Exactement. Plus la société s'améliore, plus toi, tu vas être bien dedans. Tu es relié. Plus la société va dépérir, plus toi, tu vas voir ton niveau de vie dépérir. Oui. Tu es relié. Puis pas uniquement, oui, mais si j'étais tout seul, tu n'es pas tout seul et tu es relié. Oui, mais ça t'empêche pas de poser des questions individuelles. Absolument. Ça ne nous empêche pas de nager dans l'illusion. Bon, ça, il n'y a aucun problème pour c'est ça. C'est ça. On est relié, mais est-ce qu'on est totalement relié? C'est ça la différence. Parce que si on était... Mais on est totalement relié. Si on était totalement relié, moi, je me sentirais jamais toute seule. Il n'y a personne qui souffrirait jamais de solitude. Si on était totalement relié, on serait tout le temps en contact avec quelqu'un, avec... Bon, c'est comme si tu dis, moi, je suis dans une foule au stade olympique pendant une partie de baseball. Il y a des milliers de personnes autour de moi. Et donc, je ne me sens pas toute seule. Non, mais tu peux te sentir toute seule dans cette foule-là. Pourtant, tu es entouré de monde. Ben, pourtant, donc, le fait de se sentir tout seul n'est pas déterminé par le fait que tu n'es pas relié. Mais c'est comme s'il y avait quelque part où je ne l'étais pas. T'sais, il y avait un endroit où j'étais toute seule. Non, parce que la solitude est un terme inventé par l'humain. La solitude, c'est uniquement parce que la solitude, c'est un état psychologique qui apparaît uniquement lorsque vous n'avez plus de stimulation de la vie. On peut être 15 à s'ennuyer, puis on peut être 1 à ne pas s'ennuyer. Okay? La solitude, c'est pas parce que tu es seul, c'est qu'il n'y a pas de stimulation de la vie. Alors, un chat, un arbre, un écrasement des vignes, n'importe quoi, va t'amener de la stimulation de la vie. Et tu ne te sentiras pas seul. Bon, quand par exemple, il arrive, bon, il y a un chevreuil qui rentre chez vous, tu n'es pas relié à lui, ça stimule ta vie. La solitude, c'est pas parce que l'humain est seul, c'est uniquement parce que l'humain n'a plus de stimulation de la vie. La solitude, c'est uniquement ça. On s'ennuie à mourir parce que l'ego à l'intérieur de l'humain, n'étant plus alimenté, lentement, la mémoire se défait, il s'oublie, donc il meurt. Mais si on est relié, commençons qu'on n'est pas relié à la vie. Parce que si on était relié à la vie, on se sentirait tout le temps vivant, il n'y aurait pas de problème. Non, absolument pas. C'est comme de dire, être relié à Dieu, on devrait être en parfaite santé. Être relié à Dieu, tu es mort carrément. Il y a juste les morts qui sont reliés à Dieu. Bon, non, mais les juste vivants, les vivants, ils ne rencontreront jamais Dieu nulle part. C'est des idées qu'on a de si on était relié, on serait mieux. Pourquoi? Bien parce qu'on communiquerait. On communique que. Y a-tu vas à face, l'autre? On communique que. Je ne sais pas pour mettre ça, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi ce soir? On est relié en maudit. Sauf qu'il y a une idée, plus ou moins farfelue, qui dit qu'être relié avec l'humain amène nécessairement du plaisir. Être relié avec l'humain fait qu'on est relié avec l'humain. Maintenant, comme la vie se charge royalement d'écœurer tout le monde, bien nécessairement, le fait d'être relié avec les autres fait que tu reçois plus ou moins... Non, ça, je comprends qu'on se... paquet de mécanique. Non, je comprends qu'on s'écœure à être lié entre les humains, mais être lié avec l'idée à la source. Il me semble que quand on dit être lié à la source, là Oui, mais c'est la spiritualité, c'est directement encore. Branché. Oui, je sais, mais il doit y avoir dans la spiritualité, souvent, c'est des correspondances de l'intelligence. Donc, une correspondance de l'intelligence du concept de la source? Oui. Il y a des correspondances, effectivement. Il y a aussi beaucoup de parallélisme avec ce que l'humain vit. Bon, le Dieu, le Père qui nous aime tant, c'est en référence avec notre Père, le physique, qui théoriquement doit nous aimer. Bon, dans l'Antiquité, les dieux avaient des armées, les dieux étaient des dieux de colère et de vengeance, comme les rois étaient des rois de colère et de vengeance, comme les rois avaient des armées. Comme l'humain, quand l'humain a commencé à être plus pacifique, ben Dieu est devenu un dieu d'amour et de pardon, quand l'humain a commencé à aimer et à pardonner. Mais originalement, Dieu, c'était pas un cadeau, Dieu. Il fallait vraiment marcher la tête courbée et craindre son Dieu. C'était pas une question de... Il fallait pas que tu aimes Dieu à l'époque, il fallait que tu craignes ton Dieu. C'est le même Dieu qui est là aujourd'hui, là. Alors, il te déparallélise beaucoup avec l'humain aussi. Être lié à la source, premièrement, il faudrait déterminer qu'est-ce qu'on entend par la source. Mais là, quand tu dis relié, là, ce que je comprends, là, est-ce que tu veux dire que nécessairement, tu associes ça à la dépendance? Non, absolument pas. Parce que je comprends pas, là. Tu es relié, tu n'es plus libre, tu es... Ben non. Bon, ben, c'est parce que c'est ça. Je reviens à l'exemple de la radio, là. C'est que ce que tu te semblais dire tout à l'heure, c'est que si on est plusieurs à vivre un standard, ça augmente ma qualité de vie moi-même si je ne contribue pas là-dedans, rien que du fait d'être relié. Fait que finalement, je suis dépendant de ça. Mais tu es dépendant de... Dans ta question, il y avait une dépendance psychologique. À cette dépendance-là, on n'est pas dépendant comme ça. Tu es dépendant, évidemment, au niveau soit de l'énergie, soit de l'alimentation. Bon, c'est ça. De la mémoire. Ça. Bon, mentalement, on se dit oui, je fais partie de cette société-là, je suis dépendant de bien des affaires. Ça, c'est officiel. Bon, mais ça ne m'empêche pas consciemment de me poser les questions qui suivent. Non, c'est officiel. Moi, ce que je te dis, c'est que celui qui pose la question qui suis-je veut cesser de voir. Cesser de voir quoi? Ben, de voir l'ignorance. Celui qui pose la question qui suis-je, c'est quelqu'un qui demande un repos. C'est une manière de supporter l'ignorance. Oui. C'est un ego. L'ego pose toujours la question « qui suis-je? » parce que l'ego ne se contente jamais d'être ce qu'il est. Il aimerait être quelque chose qui... un trophée, quelque part, qui va paraître un peu. « Qui suis-je? » Un tas de merde. Non, c'est pas vrai! « Qui suis-je? » Un dieu potentiel. « Ah! » Mais tu viens juste de fermer tes yeux. Non, mais sérieusement, si on se pose ça, cette question-là, « qui suis-je? » Moi, je sais pas quoi répondre. Mais il n'y a rien à répondre non plus, tu ne pourras rien trouver. Non, mais là, c'est en transit, à qui sommes-nous? La question la plus juste, ce serait « je suis le poseur de questions ». Ça serait une réponse convenable. Pas là. Puis encore. Oh, oui, mais là. Qui sommes-nous, c'est autre chose. Qui sommes-nous? Bon, sommes-nous des créatures qui devons manger obligatoirement les animaux? Sommes-nous des véhicules d'âmes extraterrestres? Sommes-nous des expériences d'intraterrestres? Sommes-nous simplement une expérience laborifique faite par les Élohim à un moment donné sur la planète Terre? Sommes-nous des descendants des singes? Sommes-nous simplement Adam et Ève pluralisés? Parce qu'un jour, Dieu s'ennuyait quelque part au firmament. Est-ce que... Il y a des animalcules pour s'amuser avec? Est-ce possible qu'on ait... Parce que ce que tu dis là, c'est toutes des choses qui ont été... que des gens croient, je pense, qu'on vit ça présentement. Est-ce qu'on n'est rien de ça? Et puis des entités extérieures... Mais on va y aller un à la fois. Ça n'a pas pris, c'est... On va y aller un à la fois. OK. Sommes-nous quoi? Des extraterrestres. Bon, sommes-nous des descendants d'extraterrestres? Alors, où sont les extraterrestres? Ils nous surveillent. Ils nous surveillent. Ils veillent sur nous de leur planète. Ah, mais parce qu'ils l'ont, déjà, eux, ça pourrait aussi être, sommes-nous, le résultat d'une expérience. Pourquoi on n'en voit pas plus s'ils nous ont créés? Parce que nous sommes trop épais. Parce qu'ils nous ont donné le libre arbitre. C'est ce qu'ils disent. Non, ils disent qu'ils nous ont donné le libre-arbitre, puis quand on va s'élever assez, là, ils vont pouvoir nous raconter. Ah, ça, ils disent qu'on n'est pas prêts, Ils nous ont dit, voici la bombe nucléaire, puis je les dis pas. Pas pire. Pourquoi, dans le passé, alors, apparemment, les Mayas en ont-ils vu? J'ai été dans la jungle au Guatemala, j'ai été dans des endroits où on a des stèles tout cassées, des stèles, des gros amoncellements de pièces sur lesquels on sculptait des cossins. Il y a un bonhomme, à un moment donné, j'ai une diapositive à la maison où on le voit très bien avec son gros panache maya. Et il y a quelque chose dans le dos comme un sac à dos qui tient. On voit comme du feu qui sort, mais une chose certaine, il est à ça du sol. Donc, il flotte. Sur la roche. Eux autres étaient-ils plus... Oui, ils flottent sur la roche. Et la roche, mais... Non, mais... Correct. Toi, je ne t'amènerais pas où est ces affaires-là. Là. On se contentait de Hawaii 5-0, je sais pas. Bon, Chip. Mais, c'est les Mayas ont... Le peuple Maya s'est probablement exterminé parce qu'il y avait trop de sacrifices humains. Et ça a trop affaibli le peuple, puis à un moment donné, à travers les guerres, ils ont perdu. Alors, si nous ne sommes pas suffisamment émancipés et évolués aujourd'hui, pourquoi les Mayas ont-ils rencontré des extraterrestres? Pourquoi Ézéchiel en a-t-il vu? Pourquoi on a des signes partout? On en a au Pérou, on en a dans les Andes, on en a en Égypte, on en a à bien des places. Mais il y en a qui vont dire qu'ils en voient, là. Oui, ils en voient. Mais pourquoi l'humanité n'en voit-elle pas? Bon. Non, mais ça veut... Si on est leurs enfants... Là, je te dis pas qu'il n'existe pas. Non, mais là, c'est non, mais la y a même des chose, parents c'est... qui sont pas présents. Oui, c'est officiel. Non, mais si on est 5 milliards d'enfants, on doit avoir quelques parents, ils s'en occupent même pas. Non, mais peut-être que dans le temps, là-bas, les Mayas, c'était vu comme... C'était peut-être une religion, comme par exemple, on parle de Raël, tu sais, ça gagne, ils en ont toutes vues, ou ils sont sûrs, sauf que... Non, la majorité sont sûrs, ils n'en ont pas vu. Bon, ça revient il y a Raël même, qui en a vu. Ça revient même, le Maya, lui, qui a tout été dans son, dans sa cabane, il n'est jamais sorti dehors, il n'en a pas vu, mais il sait qu'ils sont là. Oui, moi, la question, simplement, c'est que si on est des enfants des extraterrestres, comment ça se fait qu'ils ne sont pas tout le temps là? Là, on va s'inventer plein de maudites belles raisons. Ben oui, mais c'est la même chose. Pourquoi tu n'es pas tout le temps au magasin? Toujours là. Bon, pourquoi t'es pas sur ton garage? Tout là. Parce que j'ai un auto qui casse pas. C'est bon. c'est ça qui répondent les extraterrestres. C'est ça. Ils sont toujours là. Si on est les enfants de Dieu, on est les enfants de Dieu, créés par Dieu, pourquoi ne voyons-nous jamais Dieu? On le voit encore moins, lui, que les extraterrestres. Non! Les chrétiens vont te dire qu'ils le sentent à l'intérieur d'eux. Un médecin va peut-être leur dire, à un moment donné, c'est un ulcère que t'as. Bon. Il y a des criminels qui, en prison, découvrent Jésus. Puis l'autre, sa rue, ne découvrira pas. Il faudra qu'il ait tué, qu'il se fait couper une jambe. Si, boulot. Quelque part, on s'invente bien l'extraterrestre ou Dieu qu'on veut. Si on est les enfants de Dieu, bien, ça devrait toujours être là. Mais non. Quand t'étais jeune, t'étais arrivé déjà de prier. Oui, oui. Puis les réponses. Ah, j'en ai eu des réponses. Il y a un avion qui est passé. Et vous dites, il en passe plein d'avions, ouais, pas si Dieu qui s'envoie les avions, il y a un horaire. Si t'as pas une bonne écoute, la réponse, tu n'entendras pas. Oui, effectivement, oui, tu réponds comme bien du monde, lâche pas, tu vas faire un bon ministre. Oui, mais dans ta prière, là, avais-tu la foi? Fait qu'il va y arrange ça cruellement. À un moment donné, rappelez-vous, dans la prière, il y a eu une page complète qui a été louée, à un moment donné, on annonçait la venue de Maitreya. Maitreya, c'était le grand maître, c'était théoriquement la réincarnation de Jésus, de Bouddha, de Mahomet, etc. Toute la gamme. Et on avait résumé, on avait acheté une grande page, puis on disait qu'à telle heure, telle date, tout le monde va l'entendre. Il y a peut-être des écrits en petit en dessous, j'ai pas lu là, ça fait longtemps. Seuls les intelligents vont l'entendre. Toutes mes amis, puis moi, on l'a pas entendu. Et là, effectivement, c'est parce qu'on n'était pas assez à l'écoute. Ça. Mais quand moi, je te parle, tu m'entends? Quand Maitreya te parle, tu ne l'entends pas. Lui, c'est Dieu, pas moi. Non, je suis plus fort que lui. Oui. Mais c'est ça. Bon. Puis Dieu... Dieu t'aime. C'est parce qu'il a compris. Dieu t'aime. Regarde-toi en face. Non, mais c'est parce que tu sais qu'il y a différents plans. Il y a des plans, peut-être, on entend... Et on peut comprendre. Puis il y a d'autres plans, on n'entend pas, mais on ne peut que comprendre. Ouais. Mais un plan qui si est capable... Si tu n'as pas compris, tu n'as rien entendu, ceux qui t'as ont rien des compris, oreilles. T'as, oui, mais un plan qui est capable de créer de la matière, puis qui n'est pas capable d'y parler à la matière, qui fait des oreilles oui, pour mais... que Timono y parle, puis qui ne fait pas des oreilles pour que lui puisse y parler... En tout cas, non, mais ça, c'est des... oui, mais si ça, tu ne comprends c'est... pas, c'est parce que tu n'es pas assez pur. C'est ça. Il y a toujours des explications. Oui, ça, je sais bien, ça, non, c'est évident. Le plus gros du comique là-dedans, c'est que j'ai déjà rencontré des gens moi, qui m'ont dit que je n'étais pas assez pur. Qu'eux autres, ils avaient rencontré Jésus. Puis 10 ans après, ils étaient dans la drogue. Jésus, dans... En tout cas, bon. Dans la rue. Oui, dans la rue. Et c'est fini. Oui, mais comment parler ça comme se voir que tu rencontres Dieu un jour, puis 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans après, Dieu, il te lâche. Ben, il veut t'éprouver. Mais c'est ça. Oui, mais regarde, Daniel, ça, okay, ça fait 2000 ans que... Ça fait 2000 ans que tu as un dieu chrétien qui dure sa planète avec des explications comme ça. Oui, mais tu as aussi le dieu Krishna qui dure. Tu as le dieu Rama qui dure. Ben, c'est ça. Finalement, dieu est à grandeur de la planète, puis c'est le règne de folie. Mais on ne le voit pas, puis on ne le verra pas non plus. Non, tu ne sais pas. Une autre chose, c'est que pour parler comme tu parles là, quelqu'un qui parle comme ça, je ne sais pas, t'es comme ça. Quelqu'un qui dit ça, on peut dire, non, mais c'est des frustrations qui sont vécues. Pourquoi il n'y a pas le nez là, les oreilles là, pourquoi que Dieu fait pas ci, pourquoi Dieu fait pas ça? On voudrait qu'il soit à l'image de ce qu'on voudrait. Non, mais quand Dieu, dans son message, te dit, demande et tu auras, puis toi, tu passes ta vie à demander et tu n'as rien, puis là, le prêtre te dit, t'as pas demandé ce qu'il fallait. Ah, oh, mais c'est peut-être pas lui. Mais il n'y a pas de problème, là, moi, c'est bien simple, moi, là. T'sais. Puis là, si tu vas là, tu rentres en religion, tu t'en fâches. Oh, merci Dieu de m'enseigner l'humilité. Bon, c'est une façon de vivre. Moi, ce que je te dis, c'est que quand l'humain se dit fils de Dieu, il est plutôt... Tu vois. Mais pourquoi il faut être enfant de quelqu'un, premièrement, quand on parle de qui sommes-nous? Alors, continuons. Continuons. Ça ne sert à rien qu'on défende les items. Vous défendez autant qu'on est des enfants des extraterrestres que des enfants de Dieu. Bon. Ben oui, mais je vais te dire pourquoi après, on va continuer. Est-ce qu'on est seulement des acides aminés évolués? C'est la science. Autrement dit, rien. Oui, mais c'est parti de rien. Moi, c'est ça, j'ai de la misère. C'est ça. Ben, non, c'est pas ça. Le cycle de la misère. Parce que ça fait que tu te ramasses devant un schéma d'ignorance. Des questions, puis oui, pas de réponse. Mais c'est pas partie de rien, non, mais c'est partie de rien, quand même. C'est de la matière. Ben oui, mais la matière est partie d'où, elle? Ben, une chose certaine, c'est que tout est de la matière. Ben, je sais même pas. Moi, c'est pas chose certaine pour moi. Parce que t'as pas de mémoire assez longue pour t'en rappeler. Mais, effectivement, il y a quelque chose... Attention, on peut se rappeler de ça. On reste ensemble, eux autres, là. Mais, non. T'as ta question... qui est une question que tout le monde a posée, une question humaine. Si je suis de la matière, mais la matière, c'est de l'énergie. C'est Dieu. Qui a créé Dieu? Ah, c'est Psaou Pala. Et qui l'a créé, lui? Bon, oui. Qui? Bon. Veux pas, quelque part, se ramasser où il y aura de l'ignorance. Puis l'humain, qu'est-ce qu'il se dit? Non, lui, il a toujours été là. Et moi, je vais rajouter la question, à quoi ça sert, d'abord? Je m'en fous qu'on ait toujours été là, que Dieu ait toujours été là, que les extraterrestres aient toujours été là, ou que les acides aminés aient toujours été là. Non, mais ça, à quoi ça sert? Ça, ils n'ont jamais répondu à ça, par exemple. Ils n'ont jamais posé la question. Quand tu meurs, non, mais quand la science pose la question, eux, ils répondent pas. Les extraterrestres qui te disent, c'est quand tu vas mourir, on va te ressusciter sur une autre planète, il faut vivre en paix. Moi, j'aime ça, les extraterrestres. Ben, c'est le paradis, ça. C'est... Oui, l'extraterrestre s'en vient de voir, il descend, il rencontre un être humain, puis il dit, écoute, t'es vivante, t'es comme là, je t'amène pas de suite. Tiens, quand tu vas être morte, je vais te reconstruire sur ma planète. Puis là, moi, il faut que je dise, quel bon extraterrestre. Il va me laisser dans merde pendant les 15, 20, 35 prochaines années, puis après ça, il va m'offrir le paradis. Pour quelle foutue raison? Aucune. L'autre, le Dieu, lui, quand tu vas être mort, tu t'en vas à la droite du Père, je le répète souvent, à la droite de tout partout, parce que le Père est partout, et là, tu vas vivre pour l'éternité. J'ai rien contre, mais on va faire quoi? On s'ennuie des fois tout seul quand on est chez nous, un soir d'automne, puis on vise l'éternité. Oui, mais tu vas être dans la béatitude, donc tu n'auras pas ce problème-là à te demander. Tu vas être drogué, OK, c'est correct. Bon. Les acides aminés. Les savants disent que tous les phénomènes cérébraux sont plus ou moins aléatoires. Il n'existe pas ni de Dieu, ni d'extraterrestres, ni de ci, ni de ça, ni de ça, etc. Certains savants vont dire ça. Mais ils ne savent pas plus, ils disent ça, mais... Ben, c'est parce qu'ils n'ont pas la preuve que ça existe, donc ils disent que ça n'existe pas. C'est comme en justice. T'es innocent tant que t'es pas prouvé coupable. Oui, bien c'est ça. Ben, les religions et les extraterrestres, c'est la même chose. C'est ils n'ont pas la preuve qu'ils n'existent pas, donc ils existent. Ben, c'est ça. C'est le trou qui manque, là. C'est la foi. Non, attends une minute. Quand tu rencontres un extraterrestre, tu n'as pas le bien choix de dire que ça existe. Oui. Mais est-ce que tu es son fils? Ben là, je ne suis pas rendu là. On est dans qui suis-je ou qui sommes-nous? On élimine des affaires. Ben, si tu rencontres un extraterrestre, ça va assez t'impressionner parce que l'humain étant médiocre, il va automatiquement. Oui, mais ça n'a rien à voir avec le sujet de la chose. Si nous sommes les fils d'extraterrestres, Ils sont où, les fourgonnettes familiales qu'on se promène dedans? C'est la gang. Je parle des vaisseaux spatiaux, moi, là, évidemment. Oui, mais c'est... Si on est les enfants de Dieu, Dieu, il est parti en vacances combien de temps? C'est facile de se dire... Non, la clé... Il y a un créateur. Je suis d'accord. Il faut qu'il y ait un créateur qui a créé le créateur, qui a créé le créateur, qui a créé le créateur, puis on est bien loin d'enchaîner. Mais regarde, l'affaire, là, c'est que ce qui fait que ça, c'est tolérable pour des milliards de personnes, c'est que la clé, c'est toujours plus loin. Pour Dieu, c'est le paradis, vient plus loin. Les extraterrestres, c'est que finalement... Tu as la question qui suit, chérie. Plus tard. Oui, mais ça fait que si c'est remis à plus tard... ça a l'air que ça bouge suffisamment. À la condition qu'on réponde à qui suis-je? Qui suis-je, un fils de Dieu? Une expérience extraterrestre? Un être qui va... Tu sais, on te donne une réponse à qui suis-je? Et là, ça va te faire patienter. Mais la grosse question, c'est pas qui suis-je? C'est à quoi ça sert? C'est ça, parce qu'après ça, un coup, tu es rassasié, mais une semaine après, ou deux mois, ou deux ans, ça va être pourquoi je suis le fils de... Il va falloir que tu la poses. Les voies de Dieu sont impénétrables, ça va bien ici. Ça, c'est pour votre coucher, ferme ta boîte. Puis tandis qu'au niveau des extraterrestres, c'est « Ah, écoute, là, ils sont partis, ils vont revenir plus tard. » Fait qu'on peut pas poser la question, pas là. Au niveau des acides aminés, je sais pas si tu as déjà essayé d'interroger un acide aminé. Mais en tout cas, tu peux chercher longtemps, ça répond pas fort. Quatre, nous sommes les étincelles d'un même brasier. Nous sommes de l'énergie, nous sommes des dieux en potentiel. Ah oui. Ça aussi, on a ce phénomène-là. Nous sommes... Le souffle de Brahma. Oui, bien, c'est ça. C'est plus l'éternuement qu'il y a eu, en tout cas. Mais, même chose. Nous avons des potentiels. D'ailleurs, la religion, actuellement, a extrêmement peur de l'ère nouvelle, parce que... Les réponses à ces questions-là, c'est de la sécurité. Mais y a-t-il des vraies réponses, là? Y a-t-il des valeurs? Mais la sécurité, dans le genre, il y a quelqu'un qui rentre dans ta chambre la nuit, tu te couvres par de sa tête, tu as la sécurité. Jusqu'à quand? On ne le sait pas. Ah, bien, c'est pas intelligent, c'est pas brillant. Bon, à moins que tu aies une couverte blindée, là, je dis pas, ou électrique. Bon. Mais c'est pas brillant. Mais l'humain, c'est ce qu'il fait là. Toujours. Et évidemment, il y en a qui... J'ai rencontré des prêtres, j'ai rencontré des gens qui vont me dire « C'est parce que tu n'as pas la foi. » Mais la foi qui déplace les montagnes, moi, j'ai vu bien plus de missionnaires se déplacer que de montagnes. Pourtant, la montagne n'avait pas la foi, mais elle déplace les missionnaires. Mais jusqu'à date, là, je regarde ça, ce que tu as écrit là, et puis il y a des gens qui vivent, qui... Les autres, je n'ai pas le mot, là, mais en tout cas, ils croient à une affaire là-dedans. L'autre croit au Dieu, l'autre croit aux extraterrestres, l'autre croit finalement à indiquer qu'il est athée. Lui, il pense que l'évolution. On est une cascade de mécanique scientifique. Mais moi, je trouve que là, tout le monde s'obstine après ça. Qui a raison? Ils s'obstinent entre eux autres, non, embarqué avec nous autres, non. Mais ça prouve bien une chose, ça. Ça prouve simplement qu'ils ne peuvent pas le sait. Hein? Ils ne savent pas, mais je regarde ça, puis je trouve que ça a toute l'allure, les cartes. Là, C'est sûr que ça a de l'allure, ça sécurise tout. Non, mais pourquoi pas les cartes sont possibles en même temps? Mais ça, c'est un début de réponse. Après ça, ben là, pourquoi? Ben là, ça... Mais ça prouve qu'ils ne savent pas. Mais nous autres, est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on peut arriver à le savoir? Ça? Bon, est-ce bon, ben, que... Non, mais parce qu'à partir de ce qu'on vit, là, quand tu as vu un extraterrestre, tu l'as vécu. Bon, un instant, est-ce que la télépathie, ça existe? Oui. Bon. Est-ce qu'un extraterrestre, selon toi, ça existe? Oui. Bon. Est-ce que l'être humain a effectivement des pouvoirs intérieurs qui sont capables de faire des choses d'extraordinaire, aller jusqu'au miracle? Oui. Oui, sûr. Croyez à ça, vous autres? Oui. Bon. Est-ce que l'être humain a la capacité de vivre? Est-ce qu'il vit? Est-ce qu'il est animé? Oui. Oui. Bon. Est-ce qu'il a la capacité de spontanéité, capacité d'innovation, de création au niveau de la tête? Oui. L'année 19. Oui. Bon. Tout ça au complet, c'est ça. Oui. Est-ce que l'être humain a la capacité de se reproduire, d'engendrer la vie? Mm-hmm. J'en suis la preuve. Comme des enfants. Oui, t'en es la preuve, c'est sûr. Tu es là, puis en plus, tu viens le faire, c'est pas pire. Je savais qu'elle était pouvoir le glisser quelque part. Écoute. Il y a un mois aujourd'hui. Voilà. Il est beau. Bon. Je vais peut-être s'appeler Daniel. Non. OK. Bon. Bon, c'est intéressant ce que tu montres là. Moi, je veux. Il n'a pas fini. Ouais, c'est ça. C'est bon, il m'écoute. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Avez-vous la capacité d'aimer? Mais je parle d'un véritable amour. En tout cas, quelque part, on a la capacité de tomber, mais on peut avoir la capacité de monter en amour. Toutes ces choses-là ici font partie de ce que nous sommes et font partie de ce que l'ego humain ne peut pas expliquer. On peut décrire un enfant qui grandit, on ne peut pas expliquer pourquoi. On peut décrire. On peut décrire la mécanique de télépathie, communication, même télékinésie, même psychokinésie, même Kim Bernardis et même métagnomie. Vous fouillerez ça dans le dictionnaire ésotérique. Et puis, on peut décrire ces mécaniques-là. Mais et là, il y en arrive ceci. Il en arrive simplement que si on est télépathe, c'est qu'on a des pouvoirs. Si on peut vivre, c'est que quelqu'un nous a donné la vie. Si, et toutes ces mécaniques-là qu'on a expliquées ici, que nous avons effectivement, tu rencontres un extraterrestre, il existe. Mais l'humain, vu qu'il ne comprend pas ces mécaniques-là, il doit, pour arriver à éliminer la dissonance cognitive qui l'habite, c'est-à-dire le stress qui l'habite en face de découvertes, et de constatation de certaines choses qui pour lui sont inexpliquées, ben il devra s'arranger pour les expliquer. Et ça, c'est un processus d'ignorance. Mais c'est là le problème, c'est qu'il se force à trouver une explication où est-ce qu'il devrait, s'il n'y en a pas, il y en a pas. Pouvez-vous constater que vous êtes télépathe sans nécessairement devoir vous expliquer pourquoi vous l'êtes? Mais pour la majorité des êtres humains, ils ne peuvent pas se contenter de constater, ils doivent à tout prix s'expliquer. Tu rencontres un extraterrestre qui vient te dire « Bonjour, tu es l'humain qui sauvera le reste de l'humanité. » Ah, puis il est tout barbouillé d'enthousiasme, il est tout fier. Pourquoi? Parce que là, il vient de te répondre, il vient de te dire qui tu étais. Qui suis-je? Mais c'est de l'illusion. Mais pouvez-vous rencontrer un extraterrestre et constater qu'on le rencontre sans essayer de s'expliquer? L'être humain, quand l'être humain va être capable de cesser de s'expliquer, de vouloir s'expliquer toutes les mécaniques, tu as un enfant, occupe-toi-en. Tu n'as pas besoin de tout t'expliquer le pourquoi d'eux. C'est un enfant qui est extrêmement intelligent. Là, on cherche des raisons. On cherche des raisons ésotériques, des raisons religieuses. Le septième de famille, c'est le plus brillant. C'est pour ça que ça explique tout le taux de décrochage au Québec. On ne voit pas plus que 3 enfants. C'est le septième qui allait à l'université. Non, c'est des dons qu'il y avait, me semble. Ben oui, mais c'est ça, le septième avait des dons, bon, etc. Pour l'étude. Non, mes études. Ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que nous vivons des choses, nous pouvons constater ces choses-là, et automatiquement, nous essayons de les expliquer pour être capables de bien dormir. Processus d'illusion, processus d'ignorance, qui fait en sorte qu'on s'éloigne du qui sommes-nous. Bon, tu as la capacité de guérison. Ouais, ça prouve, laisse tomber. On n'a pas besoin de tout ça. On en fait toujours un plat. Regardez ceci. L'être humain a la capacité de créer, de se reproduire, comme les animaux d'ailleurs, comme les fleurs, etc. Les cigognes, les abeilles et les choux. Bon, ça a la possibilité de se reproduire. Jamais on n'en a fait une religion. Pourquoi? Parce que ce miracle, on y assiste régulièrement. La maladie, c'est un miracle. C'est le processus inverse de la guérison. Si on a une personne sur 20 ou 30 000 qui, par les mains, par l'imposition des mains, par le magnétisme, etc., est capable d'engendrer la guérison, là, on capote. Pourquoi? Parce qu'on n'assiste pas à ce miracle-là régulièrement. Quand on plante une graine et qu'il pousse un arbre, c'est un miracle. Ça ne se peut pas. La science décrit, elle ne l'explique pas. Ça ne marche pas, ça ne se peut pas, ça ne se peut pas. Planter une graine à l'envers, elle pousse à l'endroit. Bon, ça ne se peut pas. Et ça, c'est un miracle. Mais vu qu'on y assiste régulièrement, on n'en a rien à foutre de ce miracle-là, on n'en fera pas une religion. Quand c'est quelque chose d'autre, à un moment donné, ça va être des lumières dans le ciel, etc. Tout le monde va expliquer. Sur la majorité des objets volants non identifiés qui sont vus, ce sont effectivement des ovnis, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Et à un moment donné, on sait que c'est un ballon sonde. Bon, un ballon sonde, par exemple, qui est gonflé d'hélium, dans certaines conditions atmosphériques, l'hélium finit par être ionisé et l'hélium commence à être luminescent. Donc, on a le ballon dans le ciel qui devient lumineux. Mais dépendamment de la couche atmosphérique, on aura des rayons qui vont passer, qui vont filtrer. Ça peut être de l'infrarouge, ça peut être de bon, etc. Et on peut voir le ballon d'une certaine couleur, avec une pulsation peut-être. Mais là, l'humain va dire, ça, c'est un signe de Dieu. Il faut expliquer d'où le processus d'illusion. Ça, c'est un vaisseau spatial. Oui, c'est un vaisseau spatial qui contient quelques instruments barométriques, etc. Et l'humain va penser que c'est un vaisseau extraterrestre. Et non, c'est un ballon sonde. Il peut y avoir des vaisseaux extraterrestres, effectivement. La problématique chez l'humain, c'est pas de dire est-ce qu'ils existent ou est-ce qu'ils n'existent pas. C'est quand tu en rencontres un, tu te fais tout un scénario pour pouvoir l'inclure quelque part dans ta sécurité. Tu rencontres un extraterrestre, je dis souvent que lui devra rencontrer un terrestre extra. Bon. Vous devez être, on doit cesser, chaque fois qu'on arrive devant quelque chose de neuf, de tout faire pour l'inclure dans notre sécurité. Le sceptique va l'inclure dans sa sécurité en s'expliquant ou en t'expliquant, parce que lui aussi doit convertir pour arriver à se sécuriser, en s'expliquant ou en l'expliquant aux autres pourquoi c'est pas vrai. Bon, ça doit être quelque chose qu'on connaît. Le sceptique exclut tout ce qu'il ne connaît pas. Tout ce qu'il ne connaît pas peut être expliqué par ce qu'il connaît. Mais c'est comme le prêtre. Le prêtre, il connaît la religion, il connaît les dieux. Tout ce qui est phénoménal, mystérieux qui arrive, va être expliqué que par ce qu'il connaît. C'est un signe de Dieu, c'est un ange, c'est une apparition. Il va l'expliquer par ce qu'il connaît, pour l'inclure dans sa sécurité. Celui qui est ésotériste va aussi l'inclure dans sa sécurité. C'est un phénomène éthérique, c'est un phénomène magnétique, etc. Mais la science, tout le monde va expliquer plutôt que de se contenter d'observer, de constater. Étudier une mécanique, c'est différent de s'expliquer une mécanique. Tu rencontres un extraterrestre, tu veux connaître son monde, tu veux connaître, mais tu ne t'expliques pas sa présence. Tu lui demandes, allô, qu'est-ce que tu fais dans mon champ de patates? Tu te rends compte que tes trois petites pattes de soucoupe, il y en a un croisé qu'une, là? Bon, on peut étudier scientifiquement la mécanique, on peut étudier psychologiquement la mécanique, philosophiquement, on peut étudier. La philosophie est une science. Ça peut être facilement un voyage astral, un trip, un voyage. Et tout à l'heure, tu parlais qu'on était reliés. Est-ce que, là, que dans notre sécurité, on veut inclure toutes les choses. Mais là, comme si on est relié, jusqu'où on est relié? Est-ce qu'on est relié aussi à l'extraterrestre qu'on rencontre? Est-ce qu'on est relié à... Une chose est certaine, c'est qu'il n'y a pas un véhicule spatio-temporel qui n'impose pas son espace-temps aux autres. Ça veut dire qu'il n'y a pas un corps, il n'y a pas un, il n'y a pas une chose qui existe qui, de par sa présence, ne vient pas déranger l'ensemble. Juste l'humain, à un moment donné, moi, je dis à quelqu'un, je ne dis pas que je dis ça, là. Mais mettons, je dis ça, là. Je ne le dis pas, mais je le dis, maman. À un moment donné, nous allons, si on fait telle chose, on va être 15-20 à pouvoir s'en sortir, mais on va sacrer notre camp. La réaction de la majorité des gens, ça va être, voyons donc, mais c'est injuste pour les autres. Nous sommes reliés. Nécessairement, vous allez vous sentir coupé. Oui, mais là, on ne peut pas, du monde, nous sommes reliés. Puis là, moi, je ne veux pas qu'on s'explique, je constate. Comme j'ai constaté en très bas âge que l'homme, la femme, l'enfant n'avaient pas de libre-arbitre, qu'ils s'illusionnaient qu'il en avait un. C'est pas une théorie, c'est constatable. Bon, que l'humain, par exemple, complique sa vie et qu'il ne vit pas sa vie. Il a peur de ceci, il a peur de cela, il a peur d'être mal vu, il a peur d'une tache de moutarde, puis un jour, il est dans un cercueil, on l'organise comme on voudra, il n'aura rien à cirer. Donc, il aura perdu sa vie dans des quêtes, dans des conquêtes, dans des recherches, dans des stress, pour rien faire. Si on pose la question « qui sommes-nous? », nécessairement, on va arriver devant des illusions majeures. L'être humain, si vous voulez parvenir... Regardez ceci. Les théories, c'est quelque chose d'utilisable. Une théorie, ce n'est pas un concept religieux, ce n'est rien de cela. Une théorie, c'est l'explication potentielle d'une mécanique qui nous permet à nous de pouvoir marcher. C'est des marches, c'est un pont. Et n'importe quand, on doit s'attendre à devoir changer la théorie, abandonner la théorie, ou on va voir la théorie se confirmer. Elle peut être ésotérique, elle peut être philosophique, psychologique, scientifique. Il n'y a pas de problématique là-dedans. Bon. Mais la question fondamentale, être juste à être heureux. Juste ça. Nous sommes... Bon, qui sommes-nous? Sommes-nous des êtres capables d'être heureux? Pas facile, ça, là. Il y a dernièrement, à la télévision, là, j'ai vu qu'une femme a gagné 3,5 millions de dollars. Elle s'en fait des courses. Quand elle revient, bien, on a tout poqué ça à sa porte de garage. On a, bon, les voisins sont en beau ciboire parce que l'autre a 3,5 millions, fait qu'on vient tout casser ce qu'elle a chez elle. Bon. Mais être heureux, ça veut-tu dire que pour être heureux, il faut absolument que tu prouves à l'autre épée là-bas que t'as? Est-ce que pour être heureux, il faut absolument que vous ayez coupé le gars ou la fille qui vous a coupé quand vous conduisez, là où vous êtes heureux? Est-ce que pour être heureux, il faut absolument que vous ayez raison sur votre conjoint ou conjointe, qui est sur le patron ou sur l'employé? Est-ce que pour être heureux, il faut absolument baver le flic qui vient t'arrêter? Est-ce que pour être heureux, il faut absolument avoir des meilleures notes ou compter plus de buts que l'autre à côté? Est-ce que pour être heureux, il faut être mieux habillé que le voisin? Est-ce que pour être heureux, il faut prendre une bonne brosse de temps en temps et se piquer un petit peu? Juste être heureux. Lâche le voisin, lâche les compétitions, lâche ceci, lâche cela, lâche la quête, lâche la mission. Alors, moi, là, ma job, c'est de prouver que les extraterrestres n'existent pas. Oh ouais, OK. Mais en tant qu'être humain, tu n'auras pas d'autre chose à faire. Chose certaine, ce qui va te rendre en santé, c'est pas de prouver que telle affaire existe ou telle affaire n'existe pas. Si tu es heureux, si tu es heureuse, ça te débute de bonne chance d'être en meilleure santé. Plutôt que de tout faire, de te rendre malade pour prouver que les guérisseurs existent, ou de te rendre malade pour prouver qu'il n'existe pas. L'humain a besoin de stimulation dans la vie, on met ça ici, stimulation dans la vie. Uniquement parce que la stimulation dans la vie égale la distraction, ça y le divertissement. C'est ça. Les religions sont un divertissement. La science, pour la majorité, c'est un passe-temps, c'est un divertissement. Mais pendant ce temps-là, il ne s'aperçoit pas qu'il n'est pas heureux. Pendant ce temps-là, il ne s'aperçoit pas simplement qu'il s'en va vers la tombe. Bon. Divertir. Et chaque fois que l'être humain veut des stimulations dans la vie, il ne recherche pas le bungee, il recherche les films d'horreur, il recherche la sexualité, il recherche les guerres, il recherche les... Mais on le voit. Stimuler sa vie. Être capable d'assumer sa solitude. Combien d'humains sont capables d'assumer leur solitude? Je ne parle pas de ceux qui sont tout seuls et qui ne s'en rendent pas compte. Être heureux, ça se fait. Et tant que nous allons continuer à jouer un jeu dans l'illusion qui est basé sur le qui suis-je et non pas sur la réalité des choses, qui sommes-nous? La réponse au qui sommes-nous? Pour être capable de comprendre qui sommes-nous, on doit passer par un sens, par une étape, et cette étape-là s'appelle le vide. Là, je ne parle pas du samadhi là, ou de la méditation, etc. Un vide où, avant de se poser la question « qui sommes-nous clairement? » c'est pas moi qui choisis les titres des conférences, là, pour répondre à la question « qui sommes-nous d'une façon qui va être utilisable? » On doit implicitement et nécessairement passer par une épuration. C'est-à-dire qu'on ne peut pas poser la question « qui sommes-nous? » et en posant la question « qui sommes-nous? » vous n'aurez jamais, quand vous allez avoir la réponse, vous n'aurez jamais de réponse parlable. Vous n'aurez jamais de réponse pensable. Vous ne pourrez pas dire à quelqu'un qui nous sommes sans lui compter un tissu de mensonge. Même si vous savez. Mais le vide en question, c'est on passe par une épuration. L'épuration, c'est d'éliminer toutes les mécaniques, toutes les les créations que nous nous servons et que nous nous sommes servis dans le passé pour justement éliminer le vide, ce que j'appelle l'ignorance. Le degré de conscience d'un être humain s'évalue par sa capacité à supporter son ignorance. Pas à être ignorant. À être capable de dire « je ne sais pas », c'est tout. Bon, croyez-vous à la réincarnation? Certains vont dire oui. Ils disent oui parce que ça leur permet de bien dormir la nuit. D'autres vont dire non. Oh, et quoi, peut-être à la résurrection. D'autres croient à l'immortalité. D'autres ne croient en rien parce qu'ils n'ont pas encore la conscience de la mort. Oh oui, je sais qu'un jour je vais mourir. Non, tu ne le sais pas. Tu le parles, tu as appris, tu ne le sais pas. Bon. Quand l'être humain est capable de cesser de poser ces questions-là, donc lorsque l'être humain est capable d'observer les choses, par exemple, quand l'humain découvre clairement, dans le séminaire, c'est assez fréquent qu'il y ait des gens qui ont entendu dire en conférence qu'ils n'avaient pas de libre arbitre et qui, en séminaire, en prennent conscience. Il y a une grosse différence entre le savoir et le conscientiser. Et la grosse question, c'est d'abord, qui nous manipule? La réponse, c'est qu'il n'y a personne qui vous manipule. Mais vous êtes royalement manipulé, totalement charrié. Il y a un vide quelque part, il y a un flou. Et l'humain a besoin que ce flou, ce vide, soit comblé. Et ça, c'est la problématique qui engendre des mécaniques d'illusion. Si l'humain est juste capable de se contenter qu'il est manipulable, qu'il est manipulé, on te dit que tu es laid et ça te touche, on te dit que tu es beau et ça te touche, on te dit ceci, ça te touche, il se passe cela, ça te touche, tu manges une banane parce que tu as le goût d'une banane, mais tu n'as jamais décidé d'avoir le goût d'une banane, donc on donnerait le goût d'une pomme, tu prendrais une pomme, tu aimes le rouge, mais tu n'as jamais décidé que tu aimerais le rouge, tu es tout programmé et prévu d'avance, totalement manipulable et manipulé. Quand l'humain le constate, si l'humain fait juste s'asseoir et se dire « c'est vrai que je le suis, tout ce que je fais est réactionnel, c'est jamais actionnel, c'est pas une action, je réagis à tout. Je réagis aux voisins, je réagis à mes enfants, je réagis. » Et là, l'humain se dit « bon, voilà, c'est une constatation, minimum, je ne suis pas coupable de rien de ce que je vais faire, c'est évident, je suis réactionnel. » L'humain se dit pas « ouais, mais en pensant de même, là, j'élimine la possibilité. » Non, constate et observe. Explique pas. Parce que si l'humain explique, l'humain va s'engendrer une philosophie de décadence où l'humain va s'interdire de voir qu'il est manipulé, qui est donc le jouet de quelque chose, et il va se créer des philosophies pour se le cacher. Tu as un libre arbitre et sers-toi-en. Ouais. Tu devrais avoir plus de volonté. Pas de problème. Comment on fait? Ça, quoi, t'arranges-toi. Bon. Tu as le libre arbitre et la majorité, sinon 99% de ta vie, ne va pas dans le sens où tu veux l'amener. Et c'est facile de dire, non, mais c'est bien mieux de même. Que ce soit mieux ou que ce soit pire, c'est pas toi qui l'as orienté. L'effet papillon. L'humain qui constate juste ça, se rapproche de la compréhension de qui nous sommes. Pourquoi? Parce que l'humain, déjà au départ, se rend compte que tout ce qui a été amené dans les explications traditionnelles, c'est pas ça qu'il est. Suis-je uniquement un corps physique? C'est évident que non, écoute bien, un gars qui est mort d'un gars qui est vivant, il y a toute une différence. OK, c'est parfait, l'extension aux explications. Observe. Mais le vide dont tu parles, c'est un vide d'épuration, mais en fait, ce vide-là n'existe pas non plus. En tout cas, c'est un vide d'épuration. Ah, mais ça, c'est une étape. C'est une étape. Mais c'est différent de dire que c'est pas le néant. Ah, j'ai pas parlé de néant, non. Non, je sais. Mais c'est parce que souvent, vide, on va... Oui, mais c'est un vide énergétique, une espèce de siphon. Quand l'humain est capable d'éliminer les mécaniques... Quand vous allez être capable d'éliminer toutes les explications qu'on donne à votre utilité, à votre présence sur la Terre, à votre présence dans la vie, Nous sommes 5 milliards 400 quelques millions. Disons, nous sommes une centaine. Notre premier rôle, ça devrait d'éliminer notre stress dans la vie. Premier rôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ta maison brûle, bien, toute la gang, on va te la reconstruire. Ça veut dire qu'au minimum, la matière n'aura plus cette capacité à nous manipuler autant. Tu perds ton emploi, on s'en fout. Tu vas vivre, tu vas manger, tu ne perdras pas ce que tu as. C'est sûr que nos sociétés sont organisées d'une façon beaucoup plus explicative des mécaniques. C'est méritoire. Tu perds ton emploi, écoute, que tu veux que j'y fasse. Nous entretenons sans arrêt à l'école, à la maison, au travail, dans notre société, dans notre vie, le stress de vie. Mais au minimum, perdu au fin fond de l'aile d'une galaxie, on devrait juste commencer par se dire, matériellement, pouvons-nous améliorer la santé de nos corps physiques? Oui, alors nous allons le faire. Bon, matériellement, tu vas pas violer la femme du voisin ou l'enfant de l'autre ou piquer son char, franchement. Mais on doit pour ça éduquer, on doit être capable de vivre différemment, d'y vivre différemment. Et tu t'expliques pas tout un paquet de phénomènes. Tu dois juste comprendre que quand tu es relaxé, tu es heureux, puis quand tu es heureux, tu es plus clair dans ta caboche. Pour être heureux, on doit être plus libre de toutes les contraintes que la vie amène. Quand, bien pour cela, évidemment, l'humain doit sortir des explications. Ce sont les extraterrestres qui nous observent. Il y en a, ça ne dérange pas trop. Il y en a qui se disent, on peut faire ce que l'on veut, parce que de toute façon, nous ne sommes que des corps de chair, et nous allons être recréés. D'autres vont dire, on fait ce que l'on veut, parce qu'après la vie, il n'y a absolument rien. D'autres vont dire, il faut souffrir ici, dans toutes les religions adorent les martyrs. Ces autres, les saints, c'est des martyrs. Alors, faut souffrir, ça fait plaisir à Dieu, qui est un bon bonhomme, pas sadique. Et après, on va se ramasser quelque part. Parce qu'on accepte les explications, on ne travaille pas sur une chose qui n'est peut-être pas l'absolu, mais qui est le minimum qu'un être humain pourvu d'intelligence doit accomplir sur le plan planétaire, s'arranger pour se créer un cadre dans lequel la vie va être à la hauteur de son intelligence. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Pourquoi ce n'est pas le cas actuellement? Parce que tout le monde travaille avec, soit pour se prouver qu'il a raison dans le qui suis-je, ou soit pour prouver que l'autre a tort dans le qui suis-je. Le plus important, c'est pas de savoir qui nous sommes, mais comment sommes-nous, ou comment être. Actuellement, étant donné la capacité cognitive de l'être humain, étant donné ses capacités de conscience, ses visions quadridimensionnelles, l'espace, le temps, c'est très, très, très limité, ça, pour faire de la vraie philosophie. C'est un passé de dimension là-dedans. L'humain qui reste quadridimensionnel, puis encore, la majorité ne sont même pas, le temps n'est pas un concept clair dans leur philosophie. Ils vivent instantanément, ils vivent pour les 3, 4, 5, 6 prochaines années. Ils ne vivent pas pour les 500 ans qui s'en viennent à travers leurs enfants ou d'autres choses. Effectivement, minimum, ce ne serait pas qui suis-je ou qui sommes-nous, mais c'est comment sommes-nous. Et habituellement, on est tout le contraire de ce qu'on doit être. Comme par exemple, il faudrait être heureux, ce que tu disais, bien probablement qu'on est malheureux. Majeure partie de notre vie. Tout ce que les religions promettent, pourquoi on ne le fait pas sur la Terre? Ce que les extraterrestres promettent, pourquoi on ne le fait pas sur la Terre? Ce que la science promet, mais c'est là, c'est techniquement, pourquoi on ne le fait pas sur la Terre? Parce qu'on est très, très, très occupé à essayer de sécuriser d'éliminer notre capacité d'ouvrir les yeux en face de l'illusion. Parce que si on ouvre... La vie est un foutu problème, on le sait. Hein? La vie t'amène normalement vers la mort. Tout ce que tu vas faire va normalement se ramasser au musée ou carrément dans la poussière. Et l'humain, à travers ça, ne s'arrange même pas pour être au mieux de ce qu'il peut. Et il n'y a que l'être humain, au mieux de ce qu'il peut, qui peut parvenir à comprendre. Autrement dit, il fait l'inverse. Il commence à essayer de comprendre sans être à la hauteur de où il faudrait qu'il soit pour comprendre. Ouais. Lui, ce qu'il se dit, c'est quand, dites-moi là, là, puis il m'a changé. Tu ne peux pas comprendre. Bon, tant que tu es au niveau du chien, il faut qu'on jappe pour te parler. Mais le langage du chien n'est pas assez fort pour t'expliquer. Il faut lentement que tu te libères de certaines choses. Qu'est-ce que tu en as à cirer de convaincre l'autre, de dominer, de diriger dans la maison, de savoir qui a vidé le pot de peanut et qui ne l'a pas dit? Tous les gros problèmes de la vie, quoi. Qu'est-ce que tu en as à foutre? L'être humain qui est heureux fait sa vie. Et qu'il soit bon à l'école, qu'il soit bon, qui est heureux fait sa vie. Sauf que vous allez dire, oui, mais là, s'il ne se prend pas en main, on n'en a rien à foutre qu'il se prenne en main. Si ensemble, l'humain est capable de travailler à la consolidation de sa position planétaire, ce n'est plus un problème. Qui a dit que vous deviez obligatoirement aller travailler? Ben, c'est quoi se prendre en main? Pourquoi on ne fabrique pas les petits maudits robots? Il y a du monde qui aime ça, là, qui n'est pas un travail pour eux autres. Le robot va contrôler le tracteur. Qui va aller te labourer ton champ complet? Qui va faire la récolte complète? Qui va tout faire au complet? Nous avons techniquement ce qu'il faut. Oui, mais là, il n'y aura plus de job. On n'en a pas besoin de job. Le robot, il ne mangera pas les pommes de terre qui vont sortir. Bon. Alors, nous, on va les manger. Oui, mais là, lui, il n'en mérite pas. Nous sommes toujours en train de construire notre vie en fonction des visions explicatives, de l'illusion. Le mérite. Il faut mériter son ciel. Il faut gagner sa vie. Quand tu as passé ta vie à gagner ta vie, à 65 ans, on te dit, bingo, c'est de gagner. Bon, mais regarde, regarde, Daniel, on dort, mettons une moyenne, 8 heures, tu travailles 8 heures, les 8 heures qui te restent, tu fais tout pour te distraire, pour pas penser, pour pas devenir insécure. Fait que si tu travaillais pas, tu aurais 16 heures par jour à essayer de ne plus être insécure, ça serait épouvantable. Ça, 24, ça n'irait pas à nuit. C'est ça, ça serait... C'est parce que inconsciemment, l'humain ne veut pas rencontrer le vide, le sas que tu parlais tantôt. Là, c'est épouvantable, ça. Je connais des gens qui ne veulent même pas regarder dans le ciel. Je connais une personne qui, quand elle regarde le ciel, elle a peur. Pourquoi? Parce qu'elle se rend compte qu'un ciel, je parle d'un ciel, pas un ciel religieux, là, que des étoiles, elle a besoin des planètes, là. Bon. Mais elle se rend compte de ça. Un jour, on était à observer la Lune avec un télescope, puis il demande, viens voir. Elle a la grosse crise de nerfs. Mes parents, 3-4 d'alliés, m'ont disparu de la roulotte. C'est drôle, mais il y a plein de gens qui ne voudront pas regarder dans un autre télescope, par exemple. Le télescope de l'illusion. Le télescope juste du fait qu'on n'a pas de libre-arbitre. Oh, mais c'est qui dirige de bord? Ça ne change rien. C'est comme de dire, il y a des étoiles en haut. Ah, oh, ils tiennent après quoi? Ils sont là quand même. Même si on n'a pas toutes les réponses, là, c'est l'idée. Il faut que l'humain soit capable pour arriver à vibrer le qui sommes-nous. De toute façon, il y a la conférence qui va suivre par des illusions, justement, comment remettre à ça. On va revenir un peu sur ce sujet. Il faut que l'humain soit capable d'aboutir là où il n'a pas besoin de tout s'expliquer pour se cacher. Il va finir par vibrer en tabarnouche qui il est. Qu'est-ce que c'est que l'humain? Puis ça, il peut arriver à ce point-là où il brise la désillusion puis où il sait qui il est. Ah, il va commencer à être bien différent quand il va être capable de vibrer. Il va cesser de chialer parce qu'il pleut. Il va avoir bien d'autres choses à faire. Il va se contenter d'ouvrir son parapluie ou de s'en aller à la pluie, puis il rentre chez lui, puis il va vivre. On va l'en parler. On prend une pause.